Chapitre 8. Georges se dessine de plus en plus. D'après ce que Pélagie avait dit à Rame des sentiments de Georges pour Geneviève, le bon nègre ne se trouvait pas bien disposé pour Georges. Lorsqu'ils se rencontrèrent le lendemain, Rame ôta son chapeau, mais sans dire un mot. Il accompagnait sa petite maîtresse et ne la quittait pas des yeux. Geneviève. Georges, veux-tu venir au potager? Nous cueillerons des fraises pour le goûter. Georges. Je veux bien, mais seul avec toi. Je ne veux pas que ton nègre vienne avec moi. Geneviève. Il ne sera pas avec toi. C'est moi que le bon Rame va accompagner. Georges. Alors va-t'en de ton côté. Je n'ai pas besoin d'être gardé comme un enfant de 2 ans. Geneviève. Alors bonsoir. J'aime mieux être gardé, moi. Avec Rame, je peux aller partout. Geneviève s'approcha du nègre. Geneviève. Rame, n'allons pas au potager. Viens avec moi au bout du bois. Nous pêcherons des écrevisses dans le ruisseau. Georges. Mais moi aussi je veux pêcher des écrevisses. Geneviève. Puisque tu ne veux pas venir avec Rame. Georges. Dans le potager. Mais aux écrevisses, je veux bien. Geneviève. Viens alors, décide-toi, je pars. Geneviève donna la main à Rame et l'emmena dans le bois traversé par un ruisseau. Les arbres étaient très serrés. Le chemin pour y arriver était frais et charmant. Ils étaient suivis par Georges qui avait envie de pêcher, mais qui aurait voulu se débarrasser du protecteur de Geneviève. Il avait de l'humeur et n'osait pas trop la témoigner. « Je dis seulement un mot désagréable à Geneviève, pensa-t-il. Son vilain nègre serait capable de me dire des sottises. Geneviève, qui se sent soutenue à présent, va être insupportable. Il faudra que je fasse toutes ses volontés. Elle prend déjà des airs d'indépendance. Je veux, je ne veux pas, je m'en vais, etc. Je ne comprends pas que papa ait laissé cet affreux homme demeurer dans notre maison. Heureusement que je pars après-demain. Quand je reviendrai en vacances, je le ferai tellement enragé qu'il faudra bien qu'il s'en aille. » Pendant que Georges faisait ses réflexions, Geneviève et Rame parlaient à qui mieux mieux. On arriva ainsi au bout du pré, près d'un joli bosquet taillé dans le bois. « À présent, dit Geneviève, cherchons les écrevisses. » Georges. « Avec quoi vas-tu les prendre ? » Geneviève. « Oh mon Dieu, tu as raison, j'ai oublié les pêchettes, la viande et tout. » Georges triomphant. « Voilà ce que c'est de t'en aller comme une folle avec un nègre qui ne sait rien, et sans me prévenir, sans que j'aie pu préparer ce qu'il faut pour la pêche des écrevisses. » Geneviève. « Comme c'est ennuyeux, qu'allons-nous faire ? » Georges, veux-tu aller dire à Lucas de nous ? » Georges. « Non, certainement, je ne veux pas, vas-y toi-même. Quant à envoyer ton nègre, c'est inutile parce qu'on ne l'écouterait pas. » Le nègre riant. Avoir pas chagrin, petite maîtresse. Rame avoir écrevisse pour sa chère petite mamselle. Geneviève. Comment feras-tu, mon pauvre Rame? Tu n'as rien pour les prendre. Rame. Moi, avoir besoin de rien. Prendre écrevisse tout seul. Geneviève. Comment vas-tu faire? Rame. Voilà. Au pas profonde. Moi, entrer, écrevisse mordre aux jambes. Moi, prendre vite. 1, 2, 10, 20. Petite maîtresse, avoir beaucoup. Georges. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Allons, vite dans l'eau, le nègre. Geneviève. Non, non, Rame, je ne veux pas que tu te fasses mordre pour moi. Ça te fera mal et je ne veux pas. Rame. Pas mal du tout, petite maîtresse. Moi, c'est bien. Et il se mit à défaire ses souliers. Georges. Laisse-le faire puisqu'il veut bien. Geneviève. « Rame veut se faire piquer pour que j'aie des écrevisses. Je ne le veux pas. » Georges. « Et moi, je veux. Je suis plus maître que toi. Rame est chez papa, il n'est pas chez toi. Je lui ordonne d'aller dans l'eau. » Le nègre ne bougeait plus. Rame. « Moi, obéir à petite maîtresse. Quoi ordonne à Rame ? » Geneviève. « Je te défends de te faire mordre, Rame. Je t'en prie, Rame, mon cher Rame. Ne le fais pas. » Rame embrassa sa chère petite maîtresse et dit « Rame obéir à petite maîtresse. » Et il remit un de ses souliers déjà ôtés. Georges. puisque je vous ai ordonné d'aller dans l'eau, pourquoi remettez-vous vos souliers ? Ram froidement. Ram obéira à petite maîtresse. Georges. Insolent, je le dirai à papa. Nous verrons ce qu'il dira, lui. Je vous arrangerai bien à aller. Geneviève effrayée. Oh non, Georges, ne dis rien à mon oncle. Tu vas mentir et mon oncle te croira. Georges. Je dirai ce que je veux et je mentirai si je veux et je ferai chasser ce nègre si je veux et toi avec lui si tu m'ennuies trop. Geneviève fondit en larmes. Ram, désolé, regardait Georges avec une colère qu'il n'osait pas faire paraître et qui augmentait le triomphe de Georges. « Adieu, pleureuse, adieu, nègre, je vais trouver papa !» s'écria Georges en riant d'un air méchant. « Tu n'auras pas loin à aller, » dit une voix tout près d'eux. Georges se retourna avec frayeur. « La voix de papa, » dit-il. Monsieur Dormer sortant du bosquet. « Oui, c'est moi. J'entends que tu me cherches. Qu'est-ce que tu veux ?» Georges troublé. « Rien, papa, rien du tout, » Monsieur Dormer. « Tu avais pourtant quelque chose à me raconter, ce me semble. » Georges. « Non, papa, non. Où étiez-vous donc ?» Monsieur Dormer. « Dans ce bosquet où je lisais. Voyons, raconte-moi ce que tu voulais me faire savoir tout à l'heure. Parle donc, puisque nous voici tous réunis. » Georges avait peur. Il devinait que son père avait tout entendu. Et il se taisait, ne sachant comment s'excuser. Monsieur Dormer. Puisque tu ne veux pas parler, c'est moi qui te dirai que j'ai entendu tout ce qui s'est passé depuis un quart d'heure. Tu t'es très mal comporté vis-à-vis de ce pauvre nègre, tout dévoué à Geneviève. Très mal vis-à-vis de ta cousine, à laquelle tu as parlé grossièrement et méchamment. Tu pars après-demain, c'est pourquoi je ne t'inflige aucune punition. Mais je te défends de jouer avec ta cousine, que tu ne cesses de tourmenter, et de parler à ce brave homme que tu insultes par tes paroles et tes gestes dédaigneux. Tu me causes beaucoup de chagrin, mon pauvre Georges. Dieu veuille que le collège te change. Maintenant, suis-moi. » Monsieur Dormer s'éloigna tristement avec Georges, tout confus. Quand ils furent loin, le nègre dit. « Moussu Dormer pas mauvais. A fait bien, a dit bien avec Moussu Georges. A fait mal avec petite maîtresse. » Geneviève. « Comment cela, mon bon Ram? En quoi a-t-il fait mal ?» Ram. « Mamselle pleurait. Devait embrasser petite mamselle comme Ram embrasse. Moussu Dormer partit sans regarder, sans consoler. Pas bien, ça. Pas bien, pas aimer petite mamselle. » Et il hochait la tête d'un air mécontent. Geneviève. « Ce n'est pas sa faute, mon pauvre Ram. Je ne suis pas sa fille. » Ram attendrit. « Mamselle, pas fille à Ram, et Ram l'aimait fort, tant que lui avoir du cœur. Ram mourir pour petite maîtresse. » Geneviève. « Mon bon Ram, comme je t'aime aussi. » Ram ramena Geneviève à Pélagie, et ils repartirent tous les trois pour la pêche aux écrevisses, après avoir fait un paquet de tout ce qu'il fallait pour en prendre. Ils y restèrent une partie de l'après-midi, et Ram rapporta un grand panier plein d'écrevisses.